perte de mémoire. Vivre avec une personne atteinte de l'Alzheimer est aussi lourd de conséquences pour les proches aidants. Mais il y a l'espoir. Joignez-vous à la Marche pour l'Alzheimer le dimanche 28 mai. Inscrivez-vous à marchepourlalzheimer.ca. Émission activée. Micro ouvert. Bienvenue. Émission Le Grain de Sable. Attention, attention, il y a un grain de sable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Bienvenue à l'émission Grain de sable, cette dernière, ce dernier grain de sable de l'année et peut-être même de notre vie, même si on a plus de 13 ans d'âge. Eh bien, j'espère que vous apprécierez. On vous laisse faire plaisir pour cette dernière émission de Grain de sable. Or, en deuxième demi-heure, Étienne Blondeau sera là comme chroniqueur pour nous parler de l'actualité internationale. Vous savez très bien, si vous avez suivi un peu l'actualité cette semaine, ce dont on parlera. Mais d'abord, Catherine Dorion est une auteure, comédienne et militante politique du Québec. Effectivement, elle dit de la plateforme d'Option nationale comme étant la plus bandante, je retiens. Elle a été candidate, comme vous savez, dans Taschereau lors des élections générales en 2012 et 2014 et c'est par, entre autres, une sorte de vidéo virale qu'elle s'est fait connaître à travers le Québec et je dirais même à travers le monde, car elle-même a voyagé dans plus de 30 pays. Elle se dit elle-même très ouverte d'esprit. C'est une indépendantiste, mais pas fermée, mais bien ouverte sur le monde. Son dernier livre m'a beaucoup impressionné. J'ai découvert ce dernier livre dont on abordera dans quelques... même Catherine est avec nous, elle pourra lire un extrait si vous nous le permettez. Donc, moi, j'aimerais saluer la plus jeune patriote de l'année à vie. Hein? C'est quand même depuis Ludger Duvernay, depuis le 1834 qu'on fête les patriotes de l'année, officiellement depuis le gouvernement Landry, le gouvernement péquiste qui, il y a quelques années, a transformé la fête de dollars. Cet imposteur faux cul québécois a remplacé la fête de la reine, la mère de la reine en fait dans les faits, pour la fête des patriotes. Et c'est avec honneur que lundi dernier, dans le cadre d'un souper des patriotes, où on a remis le titre à Catherine Dorion. Évidemment, Catherine nous a fait le plaisir de faire une envolée oratoire comme elle est capable de le faire. C'était très apprécié et j'ai eu l'idée, hein, après avoir entendu aussi Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est l'autre patriote de l'année. C'est bien d'avoir un couple patriote de l'année aussi jeune, d'ailleurs. C'est la première fois. Moi, je suis habitué de voir des patriotes qui ont 80, 85 ans, comme les Simon Hamel, que je salue, qui m'a dit d'ailleurs qu'il invite Simon-Pierre Savard-Tremblay le 12 juin à un comité des aînés indépendantistes, un petit déjeuner que j'animerai. Donc, je vous invite à venir au Normandin entendre Simon-Pierre Savard-Tremblay. Et si jamais Madame Catherine Dorion est disponible, le comité des aînés indépendantistes de la Capitale-Nationale vous invite à animer un petit déjeuner quand vous serez disponible dans la prochaine année, puisque vous êtes patriote de l'année. Catherine Dorion, merci d'être avec nous. Je vous écoute. Puisque le système refuse de laisser émerger le désir, ce dernier s'en détourne et cherche d'autres voies de sortie, creuse ses tunnels souterrains. Que dira le conjoint si je lui parle de mes désirs extra-conjugaux? Coucher avec d'autres personnes, c'est risquer de tomber amoureux, c'est risquer de réduire le couple existant à une structure qui n'a plus de sens. Donc, si on veut s'assurer que le couple tiendra, qu'il sera bien solide, qu'il... Oh! L'amour n'est pas là pour rassurer. L'amour met en danger. Une lutte féconde, oui. Sinon, c'est une paix inféconde, une paix obligée qui tient par la contrainte. Et l'amertume se crée des niches. Je me force à souper avec toi alors que je n'en ai pas envie parce que sinon, tu te sentiras rejeté, tu me le reprocheras, etc. Au fond de moi, pendant qu'on mange, je commence imperceptiblement à te haïr. La démocratie n'est pas là pour rassurer. Elle a été imaginée pour que notre vie commune puisse devenir un espace de lutte ouverte et décomplexée, un espace de sincérité. Elle n'a rien à voir avec ses injonctions d'ordre et ses promesses de stabilité, avec ses mensonges que nous répétons en masse pour oublier que nous sommes en train de céder notre temps et notre vie contre du vent, de les céder à des gens qui ne nous aiment pas et qui en sont à dresser des murs entre nos existences ordinaires et leurs bateaux clinquants. Et puisque nous n'osons pas poser de gestes de rupture, la relation devient rance. Comme une tribu de punaises, l'amertume envahit l'appartement, avec en prime une agressivité sourde qui ne se souvient plus de son objet, qui se jette à tout moment sur le moindre prétexte. Je pense que l'amour ne survit que lorsqu'il sait qu'il a le droit d'aller et venir sans que personne se pète la tête sur les murs, et que pour avoir une chance de s'étendre sur nos corps pour penser toute la vie d'un souffle, comme on aime qu'il le fasse, il doit être libre. Dès que les contours de l'organisation se dessinent, s'épaississent et finalement l'entravent, il va voir ailleurs s'il y est, et il y est. Catherine Dorion, c'est tout un grain de sable. Cet ouvrage, rappelez-nous le titre et à quelle édition? Donc ça s'appelle « Les luttes fécondes », c'est publié chez Atelier 10. C'est ceux qui publient aussi deux fois par année le magazine Nouveau Projet, qui a gagné plusieurs années de suite le prix de meilleur magazine canadien. Voilà. Alors moi, j'ai beaucoup été impressionné par cette ouverture que vous faites dans votre intimité de femme amoureuse. L'amour dure 3 ans. On dirait, en tout cas, moi, c'est qui dans c'est qui a écrit ça? Becbédère? Becbédère, ouais. Oui, c'est vrai que ben on l'a tous expérimenté. On tombe amoureux, on vit quelque chose d'extraordinaire, puis à un moment donné, on se met à s'ennuyer de ce qui a été, à essayer de comprendre pourquoi l'espèce de folie délicieuse est devenue, disons, au pire une prison, tu sais, ou au moins pire quelque chose d'un peu, on sent qu'il faut donner du gaz mais on sait pas comment, puis c'est d'où le désir est parti un peu ou en partie. Fait que non, c'est ça, c'est un gros questionnement qu'on a tous vécu, et à l'échelle des sociétés on peut se poser la même question. Dans les émotions qu'on vit quand il y a une grosse révolution, une insurrection, ou même dans ce qu'on a vécu, nous, pendant le printemps érable, il y a des émotions dehors, il y a une joie, il y a une ouverture des possibles, il y a le délice du partage, là, d'être ensemble, puis de dire, mais dans le fond, c'est ça qui nous manque. On est ensemble dehors, et ce qu'on vit, ce partage-là qu'on vit, c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut retrouver à travers une révolution qu'on imagine. Et on le vit, et c'est extraordinaire. Et quand ça continue encore plus loin, imaginons que le printemps érable se serait jamais arrêté et que là, on aurait renversé le pouvoir et qu'on aurait réinventé des institutions, comme ils ont fait un peu en Islande, ben on a un peu le même réflexe que quand on tombe amoureux. On tombe amoureux, ça fonctionne, la révolution intérieure a marché, et là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se dépêcher d'encadrer cette chose-là pour s'assurer de sa pérennité, donc... On va en amour, on va se dire, on va se mettre en couple, on va se mettre ensemble, et on va s'entourer de toutes sortes de règles pour s'assurer qu'on reste ensemble pour toujours. Et même chose avec la révolution, on a renversé le pouvoir pourri et corrompu qu'il y avait avant. Maintenant, nous sommes la pureté, donc c'est merveilleux. On va installer, on va faire des organisations, des institutions pour conserver dans l'avenir cette belle vertu-là qu'on vit dehors. Et pourtant, à tout coup, l'organisation finit par se scléroser, par enfermer le désir qui était là et par le faire fuir finalement, et on se retrouve au même point qu'au début. Vous tentez de faire un lien justement entre ce désir amoureux, cette révolution amoureuse, ces hauts et ces bas, et vous nous amenez tranquillement vers le discours politique. J'ai pas encore fini, il me reste les derniers chapitres qui, je pense, sont plus politiques. Oui, un peu. Mais est-ce que le lien est direct? Est-ce que vous êtes en train de nous dire la même chose pour votre engagement politique? Ben, en fait, je ne suis pas anti-couple ou anti-institution politique. C'est ce que je trouve qu'il faudrait apprivoiser, c'est cette espèce de réflexe-là qu'on a très, très fort de tout organiser, de tout institutionnaliser. Des fois, là, c'est fou, je suis dans un CA d'un organisme communautaire, on est 6, puis quelqu'un a l'idée de faire une rencontre avec 3 personnes, et là, on va inviter ces 3 personnes-là. Comment on pourrait faire? Est-ce qu'on fait des tours de parole? Est-ce qu'on leur dit, mettez-vous en comité? Puis, on parle d'une rencontre de 9 personnes. Vraiment, on a autant perdu confiance en nos capacités organiques, humaines, d'entrer en contact avec toute notre présence, notre corps, notre affection, nos jugements spontanés. Tu sais, on fait tellement plus confiance à ça que on se méfie de nous-mêmes tellement en tant qu'humains que dans les rapports, on a un réflexe très, très, très fort d'installer toutes sortes de règles, toutes sortes de façons de faire qui coupent la spontanéité, qui empêchent le désir de prendre place. Et là, je dis pas que dans une réunion de CA, il faut qu'on saute dessus puis qu'on baise. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que dans toutes les relations humaines, il y a un échange de spontané et nos réactions sont bonnes, tu sais, nos impressions sont bonnes, faut faire confiance à ça et là le désir de faire quelque chose ensemble, le désir de transformer quelque chose peut naître, peut prendre la place et peut devenir un moteur au lieu de devenir quelque chose qui nous épuise, qui est juste une tâche de plus sur notre to-do list, tu sais, faire la révolution sur notre to-do list là, c'est un peu c'est pas tentant, tu sais, puis il y a tellement à faire, puis ça va être tellement difficile, puis ceux qui veulent que le statu quo perdure sont tellement forts puis vont tellement nous empêcher que si on voit ça comme des tâches, des obligations, des devoirs, on n'est vraiment pas sur le bord de faire quelque chose. Alors moi je pense qu'il faut miser sur le désir et le désir c'est fort, ça c'est ça qui renverse des situations pourries, c'est le désir d'être ailleurs, mais pour qu'il puisse émerger et prendre de l'ampleur entre deux personnes ou entre 100 000 personnes, il faut chercher ce qui en nous-mêmes l'empêche de sortir, tu sais. Parlant de 100 000 personnes, justement, un des vidéoclips qui vous a fait les plus connaître, là, en fait, vous étiez candidate d'Option nationale ici dans Taschereau, et vous avez fait une vidéo de 6 minutes qui a fait le tour du Québec, quasiment le tour du monde, en tout cas le monde de la francophonie. Ce cri du cœur d'une jeune politicienne qui se définissait comme n'étant pas une politicienne, et vous aviez aussi un petit côté condescendant avec les carriéristes politiques, et il y a plein de beaux messages dans cette vidéo-là. D'où vient cette Catherine Dorion? Est-ce que c'est à fréquenter les discours de Pierre Falardeau? Parce qu'on a l'impression que vous êtes la version féminine jeune de Pierre Falardeau, dont on s'ennuie tellement un jour des Patriotes, mon Dieu, avec quel qui beau on compliment. Marchait. Avez-vous marché avec Pierre à l'époque sur les terrasses du Château Frontenac à manger du gâteau? Non, j'ai pas vécu ça. Je l'ai vu peu avant sa mort dans une manifestation où je faisais un discours, puis il était venu me dire « Hey, t'es qui toi? Je vais t'engager. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis quand j'ai dit que j'étais comédienne, ça l'a presque déçu, parce qu'il voulait plus engager dans un de ses films quelqu'un qui était, tu sais, il voulait sortir des... Mais il allait mourir quelques mois plus tard, puis... Ah oui. Mais j'étais étonnée de voir à quel point il était doux, tu sais, ça n'avait rien à voir avec... Moi, j'ai connu le Pierre avec qui on mange, qui est doux, puis qui s'intéresse à ce que toi, tu fais, là. Ouais, ouais, tout, ouais. Comme tout bon politicien, mais lui, ça avait l'air d'être vrai. Ah non, tu sens que c'est la sincérité... Mais quand on le mettait devant un obstacle ou des gens qui passaient pas comme lui, il était capable d'être fort, révolutionnaire, avec le bras dans les airs, c'est sûr. Donc, mais d'où vient cette Catherine? C'est pas en étudiant votre maîtrise en sciences politiques au King's College à London, non? D'où vient cette Catherine Dorion? C'est votre sang russe, c'est quoi? Je sais pas. Rustre? Rustre, oui, c'est ça. Oui, je sais pas. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je sais que ça vient peut-être de mon père. C'est peut-être un trait génétique, psychologique. J'en ai aucune idée, mais je déteste que j'ai de la misère à prendre que ma volonté n'aboutisse pas. Donc, même si c'est pour des désirs collectifs, je fais, voyons, faudrait qu'on puisse faire ça, puis que des barrières se mettent devant nous qui sont absurdes, qui sont des barrières qui sont des arguments d'autorité complètement absurdes, là, qui, tu sais, ça me met un peu en tabarnak, puis j'ai de la misère à vivre avec ça. Fait que au lieu de m'écraser, ça me fait, mais Christ, là, non, ça se peut pas, c'est pas vrai, ça me motive à trouver des moyens de dire, OK, là, pour l'instant, c'est vous qui dominez, ou c'est toi qui domines, c'est toi qui es en haut, mais attends, tu sais. Il y avait Dédé Fortin aussi, hein, qui parlait un peu de même, surtout dans le temps du référendum en 95. Moi, la seule heure que je vous ai vu en pleine action, c'est le fameux « Il fait noir comme dans le cul d'un ours ». Ouais, le spectacle que j'avais fait au Cercle. Ouais, oui, dans le sous-sol. J'avais été invité par une amie par ma blonde, en fait. Oui, c'est de la poésie orale avec de la musique. De ta sœur, une de tes sœurs. Hein. Et j'avais vraiment été impressionné. Mais c'était pas tellement politique, ça. C'était très politique. Ouais. C'est de la poésie, mais c'était très politique. Tout, ouais. Il n'y avait pas grand-chose qui ne l'était pas. Et ça roulait pas mal, ça, cette pièce de théâtre? Non, ça a été fait... c'était comme un espèce de spectacle de slam, poésie, musique. Puis finalement, j'en ai tiré un recueil de poésie qui a été publié chez Cornac et réimprimé depuis, qui a été mis au programme de quelques cours de littérature au collégial. Ça a eu une belle vie, ces poèmes-là ont eu une belle vie. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez faire, écrire ou le réciter? Je fais un spectacle ces temps-ci avec le père de ma première fille, Mathieu Campagna, qui est un multi-instrumentiste, compositeur de Québec et un de mes très bons amis. Et on fait un show qui s'appelle Fuck Tout, qu'on l'a fait à premier acte. Et là, on va le refaire cette année, puis on va le tourner un petit peu. Ça, là, c'est un réel bonheur à faire. Et pourtant, j'ai pas écrit ça. C'est un spectacle qu'on fait dans le noir complet. Les gens sont évachés sur des coussins ou dans des hamacs. Puis là, on leur sert avec une espèce d'ambiophonie super élaborée, des sons, des odeurs, des mouvements, là, des sensations, dans le noir complet. Là, tu vois pas ta main en face de toi. Là. Et là, on leur sert l'espèce de poutine sonore, ambiante de ce que c'est que notre monde aujourd'hui, avec toute sa pollution médiatique, informationnelle, tout ce qui nous désoriente, tout ce qui fait que notre tête est comme un gros sac de poubelle dans lequel on n'est jamais capable de faire assez de ménage pour respirer tranquillement puis jouir de la vie. Là, on sert ça en même temps qu'on sort des extraits de textes de blogs anonymes québécois qui parlent de cette vie-là avec une sagesse et une belle qualité littéraire. Et on essaie de produire, puis je pense qu'on a réussi, là, ça a vraiment été un beau succès. On essaie de produire à travers les gens, peu à peu, au fil du spectacle, une communauté. De retrouver ce que cette poutine de pollution sonore, là, de capitalisme, etc., de retrouver le désir d'être ensemble. C'est encore une fois ce même thème-là. Là. Et on réussit à le créer pendant le moment du spectacle. Puis ça, c'est un spectacle. C'est pas moi qui écris devant mon ordi, mais évidemment, on l'a bâti, Mathieu et moi. On l'a fabriqué. C'est comme une espèce de sculpture, mais d'idées, dans une salle avec des gens. J'adore faire ça parce que je suis avec d'autres êtres humains. Je trouve ça fabuleux qu'à notre époque, alors qu'on a les écrans, alors qu'on a toute cette aliénation-là, cette perte de libido, de vivre. Virtuel. Que des gens vont se déplacer pour aller dans un théâtre et que là, s'ils vivent quelque chose ensemble, c'est encore vivant. Ça a pas été, c'est inentamé encore, cette faculté, cette envie d'être ensemble, de partager quelque chose. Quand les conditions sont réunies. Et là, je pense que le travail de l'artiste, c'est justement d'essayer de réunir ces conditions-là. Fait que ça, pour moi, je trouve ça essentiel. Mais c'est sûr que être toute seule devant mon ordinateur, chez nous, dans mon appart que j'adore, qui est plein de soleil, quand les enfants sont en garderie, avec mon petit café, là, je suis tellement bien. Tu sais, je suis dans une liberté totale. J'ai pas de milieu à respecter. J'ai pas de gens, de hiérarchie auquel réfléchir. Je suis en dialogue avec moi-même. Puis j'essaye d'aller toujours plus loin dans ne pas me mentir à moi-même, dans aller retrouver les zones d'ombre que je. Tu sais, ça c'est un travail que j'adore tout autant. Là, fait que finalement c'est tellement différent que c'est difficile à comparer. Puis je pense que les deux sont aussi valorisants. Donc, dans ce genre de soirée théâtrale où il y a des idées qui sortent, est-ce que vous en avez un exemple d'idée qui en est sortie qu'on pourrait mettre en œuvre? Dans le spectacle Fuck Tout? Ouais. Dans les idées que nous, on amenait ou dans celles que le public... Oui, du public, oui. Ben, à la fin, je ne veux pas trop révéler les punchs du spectacle parce qu'on le rejoue à l'automne prochain, mais à la fin du spectacle, il y a vraiment une mise en commun. Tu sais, tout le monde, d'une façon très, très simple, il y a pas de... personne n'est gêné en plus, c'est ça qui est cool. Tout le monde dit quelque chose. Tout le monde touche un peu à sa propre vulnérabilité et la partage avec les autres. Puis ça crée quelque chose, tu sais. Et ce que les gens disaient vers la fin, là, quand tout à coup le spectacle se transforme tranquillement en party. On est dans la noirceur, si là, à la fin, on n'est plus dans la noirceur. Il y a un petit éclairage. Puis les gens se mettaient à dire là, ce qu'ils pensaient du spectacle, puis ils disaient justement c'est ça, c'est être ensemble qui nous manque. C'est ça prioritairement. Moins de bien, plus de liens. Ouais, exact. Ça, c'est vrai, c'est drôle. J'ai vu en Suisse, j'étais en tournée avec un show de théâtre, puis je voyais ça partout. C'est un parti de gauche qui avait mis ça comme. Je savais pas que c'était répandu comme slogan, mais c'est un beau slogan. C'est le slogan des Simplicitaires, du groupe des Simplicitaires volontaires, dont je suis un des coordinateurs, et j'ai déjà animé une émission de radio ici qui est sur une autre station maintenant. Mais c'est super. Moins de bien, plus de liens. Ouais, c'est magnifique. C'est clair que puis plus. Moins on a de bien, donc plus on a le temps de faire des liens entre nous. Mais quand on a plus de bien, ben il faut aussi les entretenir, ces biens-là. Peu importe ce que c'est, une voiture, n'importe quoi. Et on oublie souvent quand on acquiert des biens, qu'il faut aussi calculer le temps pour entretenir ce bien-là. Oh oui, puis même quand on l'entretient pas, moi, si j'achète quelque chose dont je me sers pas, il me suit en dedans comme une culpabilité. Ben j'ai acheté ça pour rien. C'est ça. Il est là dans ma maison, puis c'est comme un fantôme. Fait que maintenant, quand j'achète de quoi, je suis tout le temps un peu... Puis il y a même David Suzuki qu'on avait eu, qui nous racontait l'histoire que quand son père approchait la fin, quoi, il est allé le voir et... ensemble. Il était très occupé, mais il avait tout arrêté ses activités de production télévisuelle et autres projets pour passer du temps avec son père jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle. Et il disait, entre nous, on parlait pas de la voiture qu'il avait achetée, la maison qu'il avait eue à Vancouver. Non. Il parlait des gens qu'il avait rencontrés, des liens qu'il avait établis, puis les gens avec qui il avait eu le... Et il nous dit, voilà, qu'est-ce que ça donne toute notre vie de d'accumuler des biens alors que dans le fond, en fin de vie, ce qu'on va se souvenir, on n'amènera pas notre portefeuille dans le cercueil non plus. Mmh. On va parler des gens qu'on a rencontrés, qui nous ont marqués, les gens que nous-mêmes, on a peut-être influencés. Donc, c'est sûr qu'il faut y penser. Mais avez-vous un grain de sable pour nous? Catherine Dorion, vous êtes la patriote de l'année ici dans la capitale nationale. Vous êtes pas juste, donc, votre discours est pas juste politique ou amoureux, si on se fie à votre dernier ouvrage, le dernier opus, mais vous avez aussi une crotte contre le capitalisme, contre la avoir une crotte contre, c'est tellement une belle expression aussi, ça. Ouais. Oui, oui. Ben, laissez-vous aller, parce que vous êtes dans l'émission oui, d'Attaque okay. Québec, là, c'est le bon. Temps de dire, y a-t-il quelque chose, là? Ben, je pense faut que dénoncer c'est... comme patriote de l'année. On veut... Mais moi, je suis loin de dénoncer le capitalisme dans le sens où je suis rendu beaucoup plus loin que ça, parce que j'ai encore de la misère à commencer une discussion avec quelqu'un qui trouve que ce système-là fonctionne, tu sais, parce qu'il y en a énormément de gens, là, je veux dire, qui ça, pour qui ça, c'est pas un problème. Moi, je me dis, c'est, ça m'apparaît tellement évident que ce qui nous est... tu parlais, Jean, de... Vous parliez, Jean... Ouais, tu peux me tutoyer. On peut se tutoyer, toi aussi, Jean. Tu peux me tutoyer. Je pense que c'est pour être ton père. On est correct. Ouais, non, on est correct. OK. Fait que c'est des fois à la radio, tu sais, les normes. Ouais, c'est ça. Donc, ce que le capitalisme, le néolibéralisme, cet ordre-là qui est, moi, ce que je trouve le plus dévastateur, c'est pas... Il y a eu une époque où c'était juste extraire des ressources, extraire une force de travail. Tu sais, ça, certains pans de la société étaient... une partie du territoire, une partie des travailleurs un peu mis au service de la production. Mais là, maintenant, toute notre culture, toute notre psyché, nos structures mentales sont en train de se formater dès le plus jeune âge pour que chacun puisse trouver sa place dans ce système-là, qui est un système délétère. Là. Il détruit les territoires, détruit les cultures, détruit ce qui nous est le plus cher à l'être humain depuis la nuit des temps. On peut penser qu'on est différent aujourd'hui parce qu'on évolue, on est moderne, on n'est plus comme un homme de Cro-Magnon, mais il faut quand même prendre acte du fait que depuis des centaines de milliers d'années, il y a des êtres humains sur la Terre et jusqu'à très, très, très récemment, leur manière naturelle de vivre regroupait certaines choses qui semblent sourdre directement de la nature humaine. Là, t'sais, la pratique des arts, une certaine forme de philosophie ou de recherche de sens, une façon d'être ensemble, bon, toutes sortes de choses, et un attachement à son territoire, parce que le territoire lui permettait de vivre, évidemment. Donc, le territoire et la culture, si ça, c'est comme les victimes les plus qui souffrent le plus en ce moment du capitalisme et de cette affaire-là d'extraction et de tout. Je sais pas si on va en revenir, là. Des fois, je suis pessimiste, puis je me dis, ah, oh, bah, puis au pire, regarde, de toute façon, on est sur une roche qui tourne autour d'un soleil qui va s'éteindre dans 4,5 milliards d'années. Fait que, bon, c'est pas grave, on aurait été une aventure, puis pourquoi vouloir à tout prix que l'humain, ou que la planète, ou que les ours polaires continuent de survivre, tu sais, dans le fond, l'univers, qu'est-ce qu'on en sait, tu sais? Ça m'arrive de me dire ça. Mais d'autres fois, je suis, justement, patriote de ce que c'est qu'être humain, je suis attachée à ma forêt, je suis attachée à avoir du fun avec mes amis sur une terrasse, je suis attachée au temps qui nous appartient, à tous ces moments-là où on n'est pas dans l'obsession du travail puis de notre carrière puis de nos acquis sociaux puis de acquis. Quand je parle d'acquis sociaux, je parle pas des acquis sociaux que les luttes syndicales ont amené, mais des acquis sociaux du genre, moi j'ai acquis socialement un standing, j'ai maintenant une maison, et comme tu disais tantôt, faudrait penser plus à la mort puis à se dire, hey, c'est pas ça qui est important, tu sais. Même je me dis des fois, le fait que la mort fasse plus partie de notre vie, qu'on l'ait évincée, qu'on voit plus tant les morts, qu'on n'en parle plus, que ce soit vu comme quelque chose qu'il faut à tout prix éviter, je me dis, c'est pas bon ça, parce qu'on n'y pense plus, fait qu'on oublie que, hey, chaque minute qui passe te rapproche de la mort, puis chaque journée que tu passes à faire autre chose que ce qui vaut la peine. On a tous un espèce de boussole innée au fond de nous qui sait ce qui vaut la peine puis ce qui vaut pas la peine. Chaque journée que tu passes en faisant des choses qui en valent pas la peine, ben ça reviendra plus là, on se rapproche, c'est pas long une vie là, dans quelques dizaines d'années c'est fini là, c'est, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les plans, vraiment on veut passer tout ce temps-là sur Facebook, c'est ça là, ou c'est quoi, ou nos journées de fin de semaine aux galeries de la capitale, tu sais, je le fais comme tout le monde, je juge pas le monde qui font ça là, moi je me bats contre passer moins de temps sur Facebook, pas acheter de cochonneries, on est dans un monde de, on est tous des toxicomanes de ce monde-là, tu sais comment c'est super difficile de se, de tout est sujet à dépendance là. T'sais, on est une proie à des gens qui réfléchissent avec des psychologues à comment faire pour qu'on soit pas capable de résister à leur bébelle, à leur... Puis même, notre rapport au travail est devenu complètement fou, là, t'sais. On le sait tous que c'est notre façon de se présenter, que c'est la première chose qu'on demande dans un 5 à 7, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'on se définit avec notre travail. Ça, c'est calé, mais c'est après notre rapport, chacun de nous avec notre travail. Moi, souvent, je m'effoire dans mon fauteuil à la fin de la journée, puis faut que je me débarrasse de ma culpabilité de pas être en train de travailler alors que j'ai travaillé toute la journée, tu sais. Puis je m'en mets toujours plus que ce que je peux faire, puis je suis toujours dans le jus. Qui est pas dans le jus? On demande au monde sur la rue comment ça va, puis le monde est là, hey, je suis dans le jus. Puis il y a presque une fierté reliée à ça parce qu'on est conforme, on fait ce qu'il faut, tu sais. Mais c'est fou, ça! Pourquoi? C'est pas ça! Oui, on peut s'accomplir dans notre travail, mais ça ne peut pas qu'être ça. C'est impossible. C'est pas vrai. Ça se peut pas, là. Pourquoi la Société nationale des Québécoises et des Québécois, la capitale nationale, vous a désigné patriote de l'année? Je ne l'aurais pas demandé. J'ai été surprise. Je me suis dit, c'est vrai que l'indépendance du Québec est un de mes combats. Puis surtout, c'est difficile d'aimer son référent culturel principal. Moi, je suis une fille de Québec qui a grandi en ville. Ça, c'est pour moi des référents forts, la ville de Québec. Mais moi, le Québec en général, c'est pas à l'école qu'on m'a dit « c'est ton pays ». T'sais, je l'ai voyagé, je l'ai vu, je l'ai aimé, puis on va quand même pas faire semblant que ça existe pas, l'entité nationale québécoise. Même si certains en ondes disent des choses comme ça, c'est pas vrai, ça existe, ça a pour beaucoup de gens une signification claire, ça en a une pour moi. Et les courants politiques qui évoluent puis qui poussent ces temps-ci, qui comprennent entre autres des mouvements nationalistes très rigides, très basés sur... en tout cas, qui carburent sur la peur de... la détestation de l'autre, bon, tout ça. C'est dommage ce que ça fait, ce courant-là, parce que ce courant-là a le droit d'exister, ils pensent ce qu'ils pensent, j'en fais pas partie, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Mais ce que ça fait... chez les indépendantistes de gauche comme moi, c'est que ne voulant pas leur ressembler, pas moi, mais ma gang, souvent, deviennent gênés de parler d'indépendance parce que c'est lié au nationalisme. Mais est-ce que, tu sais, il faut pas oublier que de choisir d'abandonner l'idée d'indépendance du Québec, c'est choisir d'être un Canadien, c'est choisir le Canada. Le Canada qui... Puis là, je veux dire, je pourrais partir dans toutes mes arguments qui sont... Ça serait temps de sortir vos arguments contre le PQ, là, parce qu'ils ont abandonné l'idée. Oui, mais les partis, là, ça me décourage ces temps-ci d'en parler. Ils sont tellement... Juste un autre problème des institutions, les péquistes sont tellement attachés à leur institution... Ils sont religieux. Oui, ils sont religieux. Ils ont oublié ils ont oublié les péquistes. Je dis les péquistes en général. Puis bon, évidemment, je veux pas. Je sais qu'il y en a des personnes extraordinaires là-dedans. Mais ce n'est rien un parti politique si c'est pas orienté vers des buts des rêves là, vraiment des idéaux qui se sont fixés. Si c'est une espèce de pépinière à job pour des jeunes ambitieux qui aiment s'habiller en veston cravate à l'âge de 22 ans puis qu'eux autres ils ont envie de commencer à tâcher de quelqu'un, d'un député, puis là finalement ils vont monter, mais là vous êtes juste l'institution, vous avez perdu ce qui l'a créé. Ce qui l'a créé, c'était un désir d'indépendance, puis c'est encore une fois, il y a un parallèle à faire avec le couple. Ce qu'il a créé au début, c'était extraordinaire. C'était une envie de plus, de s'ouvrir, de partir à voler. Puis, finalement, à la fin, c'est une espèce de coquille vide, extra-rigide, mais de laquelle tellement de gens dépendent pour leur job, pour toutes sortes de choses, qu'ils vont s'y accrocher, alors que ça rendrait tellement un beau service. Une patente générationnelle. Je sais pas. Il y a des jeunes aussi, quand même. Il y a toutes sortes de générations là-dedans. Oui, je sais, à un moment donné, Agnès Maltais, pour renouveler le PQ, elle avait choisi trois candidats qui étaient des fils d'anciens députés du temps de René Lévesque. Oui, oui, oui. je l'avais fréquenté dans Vanier avec Mark Dean, le fils de, dans Charlebourg, le fils de Richard Gay, qui avait été présent, et puis dans L'Encénorette, le fils de Jolivet. Alors, moi, j'avais applaudi le PQ en disant « Oh, quel renouvellement, on doit choisir les fils d'eux dans un parti générationnel. » C'est vrai que c'était au moment où j'étais plus au Parti vert du Québec, frustré, effectivement, de ce genre de recrutement. Vous avez fait 7% aux élections, aux premières fois que vous êtes présenté, 4% après, mais c'est quand même 4 fois plus ou 7 fois plus que la moyenne des candidats d'Option nationale. Jamais 203? Je sais pas. Je sais pas encore. Faudrait voir, parce que déjà, moi, j'ai commencé à militer avec Option nationale. J'ai une espèce de fidélité quand même à ce parti-là. Puis j'aime beaucoup Québec solidaire, mais j'aimerais que ceux qui parlent d'indépendance à Québec solidaire, ça soit ceux d'Option nationale. Parce que sérieux, là, Québec solidaire se fait souvent dire par les militants indépendantistes, vous êtes pas vraiment indépendantistes, vous voulez pas ça pour vrai. Je pense que c'est faux. Mais ils ont pas poussé ça comme... Ils se sont pas intéressés assez, avec assez de désir à cette question-là. Je suis tout le temps avec mon idée du désir. Ils se sont pas intéressés avec assez de passion à cette question-là pour trouver les arguments qui sont les plus convaincants. Puis, tu sais, les arguments factuels sont tellement du côté de l'indépendance que c'est facile de monter un argumentaire qui sait répondre à toutes les questions plates. Tu sais, après que PKP a levé son poing, là, puis que là, Pauline Marois se faisait poser des questions sur l'indépendance puis qu'elle répondait si mal. Je me disais, t'es la chef d'un parti indépendantiste et personne t'a dit, genre, là, on va passer au moins une journée puis on va les apprendre par cœur, c'est super facile. Quand il t'attaque là-dessus, tu réponds ça, tu sais. Je veux dire, et de tous les côtés, là, c'est pas juste la culture et la langue, là, l'indépendance, c'est l'économie, c'est faire sa place dans la mondialisation d'aujourd'hui, c'est les pays qui sont les plus à l'aise économiquement en ce moment sont en taille économique comparable au Québec. Dans cette mondialisation-là, aujourd'hui, c'est des États de la taille du Québec qui se débrouillent le mieux. Tu sais, il y a de tout, là, je veux dire, bref, tout ça pour dire que c'est facile de militer pour l'indépendance quand t'es un peu passionné par ça. Et je pense qu'il manquait peut-être un peu de passion. Il manque peut-être un peu de passion à Québec solidaire de ce côté-là parce c'est ça, c'est moins sexy. Mais pour tout le reste, moi j'embarque. Fait que si ceux d'Option nationale s'occupaient d'indépendance à Québec solidaire, ça pourrait être quelque chose qui, moi, m'inspirerait à leur dire si vous avez besoin, je suis là. Alors, Sol Zanetti, j'espère que vous écoutez. Patriote de l'année, Catherine Dorion, merci beaucoup. En quelques secondes, votre prochaine passion? Ma prochaine passion? Je sais pas. Laissons la vie me l'amener. J'en ai aucune idée. En tout cas, vous étiez belle lundi dernier avec votre fille. Je vous entendais lui dire des belles choses sur l'avenir de la planète, puis de protéger pour pas faire ci, pour faire ça. Maman Catherine Dorion, merci d'être venue avec nous. Merci. On vous laisse retourner avec votre belle petite. D'ailleurs, si vous voulez la voir beaucoup plus jeune, allez sur ce vidéo YouTube en faisant Catherine Dorion, un mot-clé, ce fameux vidéo Catherine de 6 Dorion, minutes. Option nationale. Option nationale, campagne 2014, elle est tombée 2012, sur... 2012, ça, pardon. Ouais. 2014, c'était suivant. Ça vaut la peine. Faites-vous plaisir pour un 6 minutes de plus, mais après l'émission, parce que, au retour, Étienne Blondeau vient nous parler de quoi de neuf du côté de Trump. Je pense qu'il y en a pas mal avec le G7, G8, ou G9, ou G12, ou G13. En fait, ils sont 13 alentour de la table. Quoi de neuf, présidence de Macron, quelques grains de sable sur la énième crise existentielle du PQ, tiens. Vous écoutez CKRL 89.1. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. CKRL, première station radiophonique communautaire de la francophonie. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. 3E, événements, expériences, émotions. Chambre blanche, jeunes musiciens du monde, Spira, La Croisée. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Première Ovation vous invite à découvrir les talents émergents de Québec. Les finissants en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval présentent l'exposition collective « Entre-temps, les choses se pensent » du 18 au 28 mai 2017. Lors du vernissage du 18 mai, aura lieu le lancement du 7e catalogue de Première Ovation arts visuels, arts médiatiques et métiers d'art. C'est un rendez-vous dès 17h au 281 rue Saint-Vallier-Est. Visitez manifdart.org et premièreovation.com pour en apprendre plus. L'été est déjà arrivé à CKRL. Ce lundi dès 15h30, assistez au lancement de la programmation estivale en direct du Bal du Lézard au 1049 3e Avenue. Une occasion unique de rencontrer en personne les animatrices et animateurs qui seront en ondes pour les prochaines semaines. Soyez à l'écoute de l'émission spéciale sur les ondes du 89.1. C'est un rendez-vous. Bienvenue à la dernière émission de Grains de sable de la saison, mais peut-être à vie, après 13 années de vie. Étienne, est-ce que tu étais là il y a 13 ans, toi, déjà? Non, ça fait à peu près 3 à 4 ans environ. Là, si on arrondit, là, j'ai pas connu tout le parcours. Ah, parce que on a l'impression, avec tes analyses, que tu as fait ça toute ta vie, au moins depuis 10 ans. Le statu quo néolibéral tient encore presque partout. Quelques pièges à éviter? Oui, c'est ça. Moi, je voulais parler parce que, bon, faut résumer peut-être un peu les 3 ou 4 années où j'étais là, au moins. Là. Je pensais parler du néolibéralisme. Hein. On en a parlé encore et encore ici. On peut faire le bilan et je crois que malheureusement, il tient un peu partout. Hein. En Europe, il est appliqué très sérieusement, appliqué ici, au Québec, à cause de Philippe Couillard, du gouvernement du Parti libéral, appliqué par Trump aux États-Unis. Bref, malheureusement, ces techniques-là dures là, en économie où on coupe dans les programmes sociaux, on les voit partout et on les voit même en Amérique du Sud, où je parlais il y a plusieurs mois, où les gouvernements plus de tendance de gauche flanchaient. J'ai parlé de la Grèce avec ce gouvernement de gauche-là d'Alexis Tsipras qui a flanché et qui a flanché à nouveau tout récemment dans une autre ronde de négociations avec Angela Merkel et le reste de l'Europe, où le pauvre Alexis Tsipras a finalement cédé partout et n'a rien gagné. Alors vraiment, on voit, et c'est là que j'arrive à mon sujet, on voit que le néolibéralisme se maintient et j'ai l'impression que le piège principal dans lequel on tombe trop souvent et qui fait passer ce statu quo-là néolibéral très solide, c'est l'espèce de, je vais appeler ça le tango, cette espèce de danse à deux entre le néolibéral, le candidat néolibéral, et le fasciste de service. Hein? On le voit un peu partout, qu'il y a une partie de droite dure qu'on a l'impression qui est soutenue par les médias. Les médias, hein, souvent... Qui appartient, on sait à qui, là, de toute façon. C'est ça, très concentré, les médias, y compris au Québec. Alors, on se retrouve généralement en Europe, aux États-Unis, avec un candidat de droite très dur qui fait peur, et qui est quand même, on peut le dire, soutenu par les médias, parce que les médias en parlent sans arrêt, se disputent toutes les images. En bien ou en mal, parce que Trump, on en parlait beaucoup, mais pas toujours en bien, mais ça l'a fait gagner quand même. C'est ça, c'est du moment qu'il est présent sur nos télévisions constamment, on l'imagine déjà, que ce soit au bureau Oval ou dans d'autres cas. À l'hôtel de ville ici, là, le fait que les journalistes au conseil de ville fassent la dictée à tous les lundis soirs qu'il y a un conseil, je l'ai vu, je suis allé au dernier conseil. Puis là, quand la bombe parle, il parle pas à Anne Guéret, sa chef d'opposition, il parle pas à ses conseillers qu'il a nommé là, il mettrait un cochon puis il passerait parce qu'il est dans le parti. Il regarde les journalistes en haut, puis j'ai même vu quand il y a, à un moment donné, c'est le sujet de la marijuana qui venait, il s'est levé en haut, puis il dit « Ah, je sais pas si Taïb Mola va écrire là-dessus. » Comme si c'était ça. Lui, il parle aux journalistes du Journal de Québec en disant « Si je passe bien dans le Journal de Québec, je vais être réélu. » C'est comme ça que je l'ai senti. C'est la politique spectacle où le plus charismatique passe, mais où, pour s'assurer que le néolibéral ait le plus de chances de passer, on lui crée, j'ai l'impression, une espèce d'adversaire qui, d'habitude, peut-être que Donald Trump est l'exception, là, d'habitude ne passe pas, mais à qui on gonfle les sondages. Là, si on prend le cas de Marine Le Pen, oui, on en a discuté ici, elle avait quand même des atouts, elle avait quand même certaines chances de passer, mais elle a fait moins bien que prévu. Hein? C'était en France. Entre autres à cause de sa mauvaise performance au débat, mais elle était qu'elle-même à ce débat, finalement. C'est ça, égale à elle-même. Elle avait un style américain. De ce que j'ai entendu, les Américains l'avaient apprécié dans ce débat-là. Les Français, d'une culture tout autre, pas du tout, là, pour résumer l'histoire de ce débat-là entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais c'est ça, j'ai l'impression que les sondages de Marine Le Pen, là, pour prendre ce cas-là, étaient comme... gonflée, peut-être pour faire croire qu'elle passerait pour mobiliser les gens pour voter pour le néolibéral, comme toujours. Et ça a été Emmanuel Macron. Et dans le cas de Donald Trump, lui, c'est tout simplement parce que sa présence médiatique était trop étudiée et trop forte. Lui, dans son cas, ça a marché. Et finalement, dans le cas de Donald Trump, j'ai envie de dire que le néolibéralisme passe quand même. Parce que souvent, ces fascistes de service-là, je pense que c'est le terme que je vais employer, sont de droite économique, très durs, eux aussi. Alors, on n'y échappe pas. C'est pour ça que la gauche se retrouve, je dirais, bloquée ces derniers temps. Les électeurs sont trop souvent confrontés aux candidats tout désignés, que ce soit Hillary Clinton ou bien dans le cas de la France, Emmanuel Macron, et un épouvantail qui, des fois, ose passer à travers le vote. Alors, dans le cas de Donald Trump, je vais repasser rapidement parce que je pense que ça fait longtemps. Quoi de neuf, là? Je sais, là, il est entouré là, au G7, qu'on appelle c'est aujourd'hui. Les Russes sont pas là. Peut-être qu'il les a invités parce que ça fait quelques sommets que, en fait, depuis leur attaque en Crimée ukrainienne, Poutine et sa gang ont été sortis de ces grandes rencontres du capitalisme international. Hein. Quand même, faut pas oublier que s'il y a une place où les grands leaders du monde capitaliste veulent être, c'est bien au G7. C'est ça. Dans le cas de la Russie, elle est vraiment exclue par les pays, disons, néolibéralistes, là, les pays, les commerçants, les pays les plus riches en ce moment. La Russie est exclue et je pense que c'est normal que Trump la réinvite pas tout de suite parce que cette tournée-là que tu évoquais, cette tournée-là à travers le monde et surtout à travers le Moyen-Orient, c'était une espèce d'occasion pour Trump de prendre une pause et de fuir le pays où les États-Unis, où tous les médias nous rabattent les oreilles sur ses liens avec la Russie. Alors, il veut faire oublier la Russie en allant se faire se grimer en diplomate le plus loin possible, finalement. Alors, c'est ça qu'il a fait. Il a fait le tour des alliés habituels des États-Unis, des alliés qui sont pas spécialement proches de la Russie, hein, comme l'Arabie Saoudite. Il est allé à Riyad, il est allé en Israël, il est allé même voir le pape. C'était, en gros, pour rassurer les alliés, j'ai envie de dire ça, les alliés classiques. Là, on remonte souvent à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est des pays liés de très près aux États-Unis. La doctrine Truman. C'est ça. L'armée américaine, essentiellement, permet la survivance de pays, j'ai envie de dire, comme l'Arabie Saoudite et Israël, qui sont très près de l'Iran. Et là, s'il faut parler encore d'une continuité, je vais dire néolibérale, hein, business as usual, si vous préférez dire, c'est cette haine-là de l'Iran est encore très présente dans le discours de Donald Trump. Alors, plus ça change, plus ça reste pareil, pour résumer sa gouvernance à lui. Et bon, peut-être faire un mot sur la Russie. Je crois que c'est une bonne chose que son espèce de tournée internationale nous fasse oublier la Russie un peu, parce que les médias, vraiment, allaient trop loin avec cette question-là. À un moment donné, on frisait le ridicule. Il n'y a pas de hackers russes, là, à moins que les gens ont peur qu'il y en ait un caché dans leur placard sous leur lit, je sais pas, là. Mais là, on était dans la politique fiction. Je pense qu'il va falloir combattre quelqu'un comme Donald Trump beaucoup plus intelligemment sur ses faiblesses réelles, hein, sur l'emploi. Il coupe de l'emploi partout. Il est néolibéral, je l'ai dit. Il coupe l'emploi en recherche dans tous les domaines scientifiques, tous les domaines de régulation, tous les départements de son gouvernement. Il coupe. Et ça, c'est des emplois souvent qui génèrent d'autres emplois par la bande, hein, qui génèrent plus de croissance économique. Alors, les États-Unis... Et plus d'immigration. C'est ça, les États-Unis de grands talents qui font rouler là, les grandes Silicon Valley de ce monde. Mm. Et dans la région de Seattle, il y a des centaines d'immigrants qui sont réfugiés au Canada en attendant leur permis de travail. Ouais. Et pendant ce temps-là, il y a plein de recherches de haut niveau qui ne se fait pas dans ces grandes entreprises de l'autoroute de l'information, en fait. Et peut-être ça va bénéficier au Canada, le fait que ces cerveaux-là se retrouvent en Colombie-Britannique en attendant de traverser dans l'État de Washington. Mais essentiellement, ce sont ces grandes entreprises. Je parle de Google, Microsoft, toutes ces grandes entreprises qui sont en train d'essayer de convaincre Trump de garder leur main-d'œuvre immigrante qualifiée. Ben, en dehors des coups d'éclat comme ce fameux interdit d'immigration de gens provenant de certains pays arabes là, sur lequel il a reculé, à part certains coups d'éclat, on a l'impression qu'il avance pas très vite. Certainement dans le cas du mur avec le Mexique, par exemple, pour prendre juste un exemple, il avance pas très vite sur ses dossiers de la première heure. Alors, c'est là qu'on comprend à quel point, malgré toute la dorure, toutes les phrases toutes faites pour la télévision, ses supporters des premiers moments ne le reconnaissent plus. Hein, certains l'avouent des fois qu'on les lit. Essentiellement, il disait les énormités pour convaincre les conservateurs ou la droite très dure. Non seulement je suis avec vous, mais je suis pire que vous, plus radical que vous. Alors, du moment que ces électorats-là ont été conquis, qui ont dit, bon, ben, c'est notre homme, là. S'il va encore plus loin que nous, dans ses promesses et ses paroles, ben, c'est qu'il va être de notre côté. Ben, finalement, il gouverne de manière, j'ai envie de dire, normale, néolibérale. Au niveau de l'immigration, il fait pas des changements majeurs. Je pense que c'est surtout dans les coupures d'impôts et les coupures dans les emplois au gouvernement qui va se faire remarquer. Je pense que l'économie américaine va empirer. Et je crois que je vais m'arrêter là-dessus sur Donald Trump parce qu'essentiellement, il nous fait... Je préférais mentionner le Québec, quoique j'ai manqué un peu le début de la première moitié d'émission. Peut-être qu'il y a des sujets qui ont été déjà traités dans ton entretien tout à l'heure là, au niveau de la situation au Québec. Parce que le Québec aussi, je me demande si c'est qu'une question de temps qu'on se retrouve avec ce tango-là hein, que je mentionnais avec un fasciste de service. Takes two to tango. C'est ça, c'est peut-être ça qui permettrait le néolibéralisme de durer un peu plus longtemps. Pour l'instant, le seul atout que les néolibéraux, hein, on pourrait quasiment l'appeler comme ça, le Parti néolibéral du Québec, son seul atout, c'est la division des opposants. La division, on pourrait dire, des partis souverainistes là, ou nationalistes, pour faire simple. Moi, j'étais pas au souper gala où il y a eu la fameuse remise de prix du Patriote de l'année, de la Patriote de l'année, mais j'étais à une journée d'études avant ça, là, une journée de table ronde. Oui, je suis arrivé en retard de là, là. D'ailleurs, quand je suis arrivé, tout le monde s'en allait. J'ai dit, non, j'ai-tu rentré le party, mais effectivement, il y a des ateliers. Et les gens que j'ai rencontrés ont trouvé qu'il y avait eu des bonnes discussions Québec, capitale nationale d'un pays, finalement. Oui. Et il y avait plein de sujets. Sol Zanetti, d'ailleurs, était là pour une table ronde. Dans son cas, c'était un sujet sur l'immigration au Québec, c'est ça? Alors, j'ai pu assister à quelques tables rondes et c'est là que on a eu un exemple, j'ai envie de dire, du pétrin de l'opposant principal des néolibéraux, Philippe Couillard et autres, le Parti québécois. Hein? C'est pour ça que j'ai parlé. Est-ce qu'on peut dire qu'une énième crise existentielle au PQ, là, on est habitué depuis le temps, hein, les mauvaises langues vont me dire ça. Eh bien, dans le cas de cette journée-là de table ronde et d'atelier... Il y avait un des fondateurs péquistes, Gilles Grenier, Maître Grenier, que j'aime bien. D'ailleurs, il s'est retrouvé à la table avec moi, Sol Zanetti et Catherine Dorion. Il m'a demandé à l'écouter parler de ses souvenirs en 1962, manifestation. C'était tellement évident, j'étais obligé de lui dire, je dis, Gilles... T'es en train de nous dire que le PQ, c'était le parti d'une génération. Je regarde là ce que Catherine Dorion a à nous dire, ce que Sol Zanetti a à nous dire, puis il y avait d'autres militants péquistes et qui, eux aussi, avaient même âge que Maître Grenier, plus proche de la retraite que du début du combat. Et à chaque fois qu'il donnait ses arguments, c'était toujours relié à... Ça sent la fin de ce parti-là, finalement. C'est ça. Puis la meilleure illustration, c'est que c'était La main tendue, hein, de Jean-François Lisée. C'est pas d'hier, là. C'est pendant de longs mois, il tendait la main vers Québec solidaire pour espérer sauver quelques comtés en faisant alliance. Hein. Certains comtés seraient donnés à Québec solidaire. Oui, c'est ce qu'on appelle dans le langage du riding sharing. On partage les circonscriptions, surtout quand un parti a par exemple 25% dans les sondages, qui fait une alliance avec un autre qui a 10%. Mais dans les comtés où le PQ a perdu par moins de 10%, ça devient intéressant pour le parti qui a moins de popularité, de signer des alliances pour aider le parti qui a des chances de prendre le pouvoir, de lui donner ce coup de pied dans le derrière. Ouais. Mais c'est pas sûr, hein. Il y a des sondages qui disent qu'il n'y a pas plus que 50% des gens qui transfèrent leur vote parce que on peut pas convaincre quelqu'un qui a quitté le Parti québécois, qui a fondé Québec solidaire, de revenir facilement à voter pour ce parti qu'il honnit et qu'il horripile à quelque part. Mais il y a donc, c'est ça. Et en l'inverse, Québec solidaire dans les comtés sur l'île de Montréal où il manque quelques pourcentages, ou au moins qui peuvent faire le 15% qui permet le remboursement des dépenses admissibles, parce que c'est une question d'argent là-dedans. Exact. Si on veut faire meilleur à la campagne suivante, ben c'est bien d'au moins d'être capable de rembourser ses frais et de pouvoir accumuler au cours des années avec la redistribution d'argent en fonction du vote électoral. C'est toujours important d'avoir le plus de candidats possible, bien sûr, et d'avoir le plus possible, mais dans beaucoup de comtés pour Québec solidaire qui font 10%, ben il leur manque 5% pour se faire rembourser les dépenses. Donc ça aussi, il faut tenir compte de ça pour la pérennité de ce parti. Ça peut être intéressant, mais ça, on n'a pas de cette culture politique au Québec. Faut l'avouer, hein, dans le système britannique, hein, le gagnant remporte la mise. Il remporte absolument tout. Winners takes it all. Mais c'est ça, dans le cas de Québec solidaire et du Parti québécois, tu l'as dit, il y a des avantages dans un camp comme de l'autre à s'entendre. Et ce qui m'a surpris, là, c'est que depuis des années que je me renseigne sur ces idées-là d'alliance électorale entre ces deux partis-là, QS et le PQ, la base de l'un et de l'autre poussait, moi c'est ce que j'entendais, là, c'est ce qu'on me disait, la base poussait pour que les deux pays, les deux partis qui veulent un pays, que je devrais dire, voilà. Un lapsus révélateur. Pour qu'ils s'entendent, hein. La politique, on dit que c'est rendre le nécessaire possible. Hein. Faut s'entendre. Alors, c'est comme un l'art peu de plus... l'impossible aussi, c'est peut-être c'est ça. Une façon de le dire. Alors, c'est un peu plus les chefs de part et d'autre qui pouvaient essayer de freiner un peu, de traîner les talons, mais la base poussait pour. C'est pour ça que j'étais très surpris lundi. Le lien qu'on peut faire avec ce que tu viens de dire, avec la première partie de l'émission, parce que j'ai terminé l'entrevue avec Catherine Dorion, candidate deux fois d'Option nationale, et qui a fait quasiment autant que le chef Jean-Martin Haussan à la première campagne en 2012, qu'elle nous rappelait. Et quand je lui ai dit « j'avais 203 », j'ai cru comprendre dans sa réponse, vous me direz, chers auditeurs, peut-être que vous êtes mieux placés que moi pour écouter, parce que j'étais en mode poser des questions. J'étais surpris de sa réponse. Elle semblait parler d'alliance entre Option nationale et Québec solidaire. Alors, imaginons, elle n'a pas dit non à être une candidate, imaginons Catherine Dorion dans Taschereau ici, ça pourrait faire mal à Agnès Maltais, qui a gagné par 200 votes, je m'abuse, aux dernières élections. Donc, Québec solidaire, Option nationale, ici, si le Parti québécois ne présentait pas de candidat, autrement dit... bonjour la retraite, Madame Maltais. On aurait une députée comme Catherine Dorion, patriote de l'année, une jeunesse qui représente le combat révolutionnaire des années à venir. Vraiment, il y a quelque chose d'intéressant à faire là. Vraiment, ma surprise qui est venue ce lundi, c'est parce que j'arrivais à... C'est un après-midi de table ronde, comme je disais, avant le souper gala dont on a parlé. Alors, j'arrivais là et y arrivait... Claudette Charbonneau, je ne sais pas si... Charbonneau, c'est la présidente des Oui Québec. Oui, c'est ça. Donc, voilà, présidente des Oui Québec. Alors, elle arrivait et elle a à peine pris le temps de saluer les gens qu'elle devait partir dans le premier bus vers Montréal parce que au même moment, il y avait le Congrès de Québec solidaire qui décidait est-ce qu'il y aura une alliance ou non. Et QS était en train de voter non, il n'y aura pas d'alliance. Alors, elle devait partir pour voir si on pouvait... je sais pas, sauver les meubles, comme on dit. Oui, mais je pense que ça n'a pas marché. C'est ça qui est malheureux. Donc, ça a vraiment été ma surprise cette semaine, ce lundi, de voir ce vote-là de Québec solidaire, parce que la base poussait pour l'Alliance. Et c'est là que les choses deviennent très compliquées. Lisez, j'ai l'impression... l'homme de la gauche efficace, hein? Il se dit de gauche et c'est le terme qu'il a trouvé. Bon, quand tu mets des adjectifs après gauche, tu trahis un peu, ben là, c'est sûr. Un peu le mot. Mais bon, dans son cas, il tendait la main vers QS, faut l'avouer, faut lui donner ça. Mais là, si cette main tendue-là est refusée, c'est-à-dire que tout son plan... Ouais, cette semaine, il a plutôt sorti le point pour écraser parce qu'il n'avait pas l'air d'être content de cette affaire-là. On le comprend, mais là, vraiment, l'avenir du PQ se pose et c'est là, très rapidement, que moi, je lisais, j'ai tendance à lire ces temps-ci, le commentateur Jonathan Durand-Folco, lui, il parle souvent en bien de Québec solidaire et il essaie de parler de quel est l'avenir de Québec solidaire, mais récemment, il parlait du PQ et il disait, bon, si l'avenir de QS, c'est de faire cavalier seul, hein, de pas aller avec le PQ, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dans les bras d'un autre parti d'opposition. Lequel? La CAQ. Il lui reste la CAQ. Et ça, comme M. Folco-Durand le raconte, c'est un plan qui est ourdi de longue date. Hein? Renouer les péquistes plus de droite, plus... on pourrait tenter le mot autonomiste, hein, pas très pressé pour la souveraineté, les ramener avec la CAQ et peut-être par alliance, par union, constituer quasiment une nouvelle union nationale qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Alors, ça, c'est ça a déjà été Duplessis, hein, qui a fait une union nationale. Exactement. Et c'est ça, c'est un plan de souveraineté ou bien de nationaliste qui remet tout le temps au lendemain le référendum, mais qui est solidement de droite et on pourrait dire contre, par exemple, l'islamisme ou l'islam en général, que sait-on. C'est souvent porté par Mathieu Bock-Côté ou de ce que je lisais, un ancien du PQ, Stéphane Gobeil, qui était conseiller de Pauline Marois. Il a même écrit discours de Gilles Duceppe aux dernières campagnes du Bloc québécois. Exactement, et cet homme-là a rejoint la CAQ il y a un an. Alors, c'est pas tout seul, avec d'autres organisateurs du Bloc. Avec d'autres, le but est d'essayer de tisser des liens. Alors, quand je parlais de quels seront le rapport des forces au Québec, vraiment, une chatte, il perdrait ses petits, comme on dit vraiment. On ne sait pas quelle alliance vont se former. Tout ce qu'on sait, c'est que QS a un beau potentiel de croissance et qu'il décide de se lancer dans l'aventure. Est-ce que ça va payer? Je vais regarder ça de très près, je me le demande. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des risques. Mais il n'y aura pas d'alliance avec le PQ, ça. Les militants sont peut-être déçus. Je serais porté à te demander de nous parler de Macron avec les législatives, mais ça se fait dans quelques semaines, tout ça. Oui. J'aimerais qu'on prenne la dernière minute de l'émission Grain de sable de cette saison pour te demander l'avenir. Dans le cas de la France, le plus amusant qu'on voit ces temps-ci, c'est les gens du navire qui prend l'eau, hein, le Parti socialiste, qui se jette sur le navire qui lui a pas pris d'eau du tout, hein, celui d'Emmanuel Macron. Alors ils disent on est pour la majorité présidentielle. Ils ont tellement honte de leur parti. Le Parti socialiste, qui ne mettent plus le logo, qui ne se présente pas sous le sigle du PS. Alors, les militants socialistes, qui est un vieux parti, hein, centenaire, sont en rogne. Alors, on va suivre la situation, mais le PS est vraiment en perdition. Alors, ton dernier grain de sable en 10 secondes, Étienne. Général, sur les 13 ans d'existence de Grain de sable, quel devrait être le dernier mot de Grain de sable? Il va falloir s'informer. Et surtout, maintenir le cap. Faut jamais renier nos idéaux. En tout cas, suivez Attaque Québec sur le site web. Il y a plein d'activités. Ouais. Comme là, à l'heure actuelle, on a des gens avec le Mexique et les Américains qui dénoncent les ententes de libre-échange. Donc, les combats ne finissent pas. Attaque, c'est l'abréviation de quoi, Étienne? C'est l'Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne. Merci d'avoir écouté Grain de sable. Yes. Attention, attention, il y a un grain de sable dans la machine. Et passe les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te